qui m'aurait de temps des choses. Tout le dernier et pas que cher. Mon cœur plus seul lançait la bouche. Ce que j'ai dû vraiment t'aimer. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est avec toi que je rêvais. Nos jeux d'enfants étaient les mêmes. L'amour moi eut qu'à se baiser. L'amour s'en va et vos jours sont perdus. Mais pourtant c'était bien l'amour, avec l'amour en plus. L'amour s'en va, avec toi j'ai perdu tout l'amour, avec l'amour en plus. Tình cùng tâm chi em bao điều không nói được. Thời gian đã không thể nào bôi xóa. Trên trời rơi xuống giường trần, chuyện trong trái tim muôn đời khép kín. Thời xưa đó em vẫn thường thương nhớ hoài, ngày nào có anh chia niềm mơ ước. Đôi ta sẽ yêu đến ngày vĩnh viễn cõi đời, bạc mái tóc xanh nhưng tình vẫn thầm. Anh như cánh chim đã khuất dần với mối tình anh đã quên. Tình yêu lúc thanh xuân ngày đôi ta yêu tha thiết. Tình theo bước anh chắc đã chìm với tháng ngày, nhưng với em thương nhớ không bao giờ nguôi. Dans des choses, tout le dernier et pas que cher. Mon cœur plus seul lançait la couche. Ce que j'ai dû vraiment t'aimer. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est avec toi que je rêvais. Nos jeux d'enfants étaient les mêmes. L'amour moi eut qu'à se baiser. L'amour s'en va et vos jours sont perdus. Mais pourtant c'était bien l'amour, avec l'amour. Tu étais là aussi les temps. Tu étais beau, tu étais fou. Mais ce moi, moi ce qui n'est pas suite d'attendre. J'étais fragile et loin de tout. J'ai des souvenirs qui s'avancent. Des regrets qui portaient ton nom. Et depuis, je gardais caché dans mes broches la mèche gauche.